kiffe de passer la soirée avec vous sur Fun Radio. Je m'appelle Rémi, jusqu'à minuit, party fun spécial, histoire de continuer un petit peu les fêtes sur Fun, histoire de bien profiter des vacances et de ce jeudi soir. À 23h, Moziman sera au platine de party fun. Dans quelques minutes, il y aura Lude. Et depuis 21h, c'est Boris Way qui était au platine. Ça va, Boris, t'as kiffé ton set? Nickel, parfait, c'était très bien. On est content. En tout cas, ce qui est cool, c'est que tu nous as fait découvrir en exclu ton nouveau single qui s'appelle Get Out. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la date de sortie, ou c'est un truc vraiment confidentiel? J'ai pas encore de date précise, mais c'est pour 2019, ça va arriver très vite. 2019 pour découvrir le nouveau single Get Out de Boris Way. Vous l'avez découvert en premier sur Fun Radio. Si vous l'avez loupé par exemple, n'hésitez pas à aller dès demain sur l'appli Fun Radio pour checker le replay du mix de Boris. Et évidemment, dès que ton single sortira, je peux vous garantir que Fun Radio sera encore la première radio à diffuser ton nouveau single. Boris, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Partout, Boris Way, sur Instagram, c'est partout Boris Way. N'hésitez pas à aller suivre Boris Way sur les réseaux. Dans quelques minutes, c'est Lude qui va prendre les platines. Et puis, on revient dans quelques minutes. Merci Boris en tout cas. Merci à vous, merci pour l'accueil. Et puis à plus tard sur Fun. Très bonne année 2019 à tous. On sera de retour avec toute l'équipe du Night Show dimanche soir, avec de bons auditeurs. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Des bonnes vannes. Il y a un emoji Marion. Tais-toi. Si. Ah non, c'est une brouette. Et du bon son dancefloor. Rendez-vous de 20h à 22h sur Fun Radio. Et au fait Marion, t'es bonne toi aussi. Oh là là, même en 2019, elle va être lourde elle. It's the Night Show. Mario Yanso. The Night Show. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Accédez gratuitement à la meilleure playlist Fun en téléchargeant l'application Fun Radio. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. I was never a believer, but you could fall in love at the first sight. But all of a sudden, we loved and got lost in the moment. All of a sudden, she's gone in the flesh of a life. I never was looking. I'll be looking for the rest of my life. your name upon it. I put it in my wallet, hoping I see your face. Maintenant sur Fun Radio. This is how we fucking play. On vous joue une nouvelle heure de mix dance électro dans Party Fun sur Fun Radio. It's time to party fun. Ça fait plaisir de passer la soirée avec vous sur Fun Radio. Je m'appelle Rémi, jusqu'à minuit, Party Fun spécial, histoire de vous faire kiffer un peu pendant les vacances. Dans une heure, il y aura Moziman qui prendra les platines. Et là, il est 22h, c'est Lud qui va squatter les platines de Fun Radio pendant une heure. Comment ça va, Lud ? Salut tout le monde, ça va ? Bah écoute, très très bien, on est hyper en forme. Lud, c'est quand même un DJ que j'apprécie, qu'on a beaucoup vu cette année. Je te remercie. Sur Fun Radio. T'as vu, t'as fait le mix marathon, on avait fait un truc spécial, je sais pas combien d'heures de mix pour la fête de la musique. T'es venu aussi chez Bruno pas mal de fois. Et ce qui est original chez Lud, c'est que c'est un DJ, mais qui est aussi guitariste. Et c'est pas un guitariste qui a appris, tu sais, sur un feu de camp. On a discuté un petit peu. Il a quand même fait le conservatoire et tout. Donc c'est quand même un artiste incroyable. Lud, qu'est-ce que tu nous réserves un petit peu pendant ton set d'une heure sur Fun ? Là, ce soir, je suis avec deux guitares déjà. Ok. Normalement, je suis avec une guitare pour les questions pratiques, mais là, je me suis dit que voilà, avec vous, là, j'ai envie de faire deux Allez. Guitares ce soir là, en balance. Et là, je suis en train de porter une guitare bien cowboy western là sur moi, qui s'appelle un Dobro, une bonne guitare à l'ancienne, avec lequel je joue avec un slide et tout. Et on va essayer ça. Hein. Et pas de souci. Vous pouvez d'ailleurs en tout voir parce qu'on est en Facebook Live sur le Facebook de Fun Radio et aussi évidemment en live vidéo sur le site funradio.fr. Lud, c'est quand tu veux. Bon bah écoutez, c'est parti. Let's go, on y va. Lud jusqu'à 23h sur Fun Radio. Lud. en mix sur Fun Radio. Party Fun. Party Fun. Fun. Fun. Fun.

Good. Mix dans Party Fun sur Fun Radio. Party Fun. You said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Vous prenez autant de kiff que moi à écouter le set de Lude dans Party Fun sur Fun Radio. Franchement, pour ceux qui découvrent peut-être Lude que maintenant, je sais pas, vous avez peut-être vécu dans une autre planète pendant quelques années parce qu'il y a quand même le son de Missing You qui a cartonné partout en radio. C'est un artiste de ouf, c'est un artiste qui mixe et qui en plus de ça joue de la guitare. Franchement, mettez le live vidéo sur funradio.fr pour voir Lude jouer de la guitare, c'est un truc de ouf, il a deux grades différentes. Enfin bref, à 23h, il y aura Moziman en live. Pendant que je vous parle, il est en train de préparer sa guitare. Lude, c'est quoi les prochains morceaux que tu vas nous jouer? Là il y a un petit mashup, en fait je vais totalement improviser là tout de suite. On aime ça parce que tout de suite. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait une soirée il y a quelques temps à la Défense, à Party Fun Live. Lude est carrément descendu en plein milieu de la scène en mode je joue de la guitare devant tout le monde, je m'en fous, et il me disait mais tu sais quoi, je l'avais pas prévu. Et voilà, ça on aime ça, de l'impro jusqu'à 23h avant le set de Moziman sur Fun Radio. Lude, c'est quand tu veux. Eh ben on y va, il est en train de préparer ses accords et tout. Ah là là, ça y est. Tout est bien accordé, c'est bon, c'est du live, on est en direct sur Fun Radio ce soir. Jusqu'à minuit, Party Fun spécial. Ça sonne bien, c'est ça qu'on aime. Alors, tu peux allumer ton micro, vas-y, on est en direct, y a pas de problème. Ah ! Il commence à chauffer un petit peu. Il y a le replay du set des Keymotion qui était avec nous tout à l'heure dès 20h sur Fun Radio. Replay à mater dans quelques minutes, je pense, sur l'appli Fun Radio. Lude, c'est maintenant. We'll be right back. that ass back like a boom, boom, boom, boom. Black. city bling bling. Bling bling. Bling bling. Every time I come around your city bling bling. Bling bling. Bling bling. Bling bling. Bling bling. Every time I come around your city bling bling. Party fun. Spread it like.

maintenant sur Fun Radio. On vous joue une nouvelle heure de mix dance électro dans Party Fun sur Fun Radio. It's time to party fun. Vous avez raison de passer la soirée sur Fun Radio jusqu'à minuit. On est en mode Party Fun en direct avec aujourd'hui, ce soir, un line-up exceptionnel. On a eu les Keymotion, il y a eu Boris Way, à l'instant c'était Lude. Et là, il est 23h, c'est l'heure d'accueillir en live Moziman dans Party Fun. Salut mec, ça va ? Bonsoir, comment ça va ? Je suis hyper content de te recevoir. C'est réciproque. DJ Maison, on peut le dire, t'as mixé, t'as été résident sur Fun pendant quelques années. T'es venu beaucoup mixer à Fun Radio. Ouais. On a joué beaucoup de tes titres, on peut le dire. Il y a eu Never Let You Go. Ouais. Il y a eu aussi plus récemment Forever. Et il y a aussi eu ce morceau. Il s'appelle Kali. Quentin, quand même, grosse actu pour toi. Yes. 81e meilleur DJ du monde. J'ai eu du mal à sortir le 81. Je sais pas si je l'ai bien dit. T'as aussi un nouveau titre qui va sortir dans une heure. Absolument, il sort à minuit une exactement. Anymore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Moziman, ce soir, est sur Fun Radio. Tu vas nous jouer maintenant ton nouveau single, histoire absolument, de d'avoir un peu l'exclu sur Fun. Je te dis la vérité, je vais commencer avec. Ah bah allez, tu sais quoi ? Jusqu'à minuit, Moziman est en live sur Party Fun, let's go. Tu y vas quand tu veux, yes. On est parti. How many times do I, how many times do I hear you say I'm sorry, I'm sorry. You assume that I look the other way and pretend there's no need to worry, to worry. Dreams are facts don't add up to your story. Don't try to strange. That the stranger you become feels nothing for me. Not even something. Dreams are made of stars. We have come so far. But it feels like you're on Mars. Always getting money. Always getting money. Always getting money. always getting money. Always, always getting money. Always getting money. Always, always getting money. Always getting money. Always getting money, money, money, money, money, money. Always money, money, money, money, money, money. Always getting money. Always getting money.

Busyman. Mix dans Party Fun sur Fun Radio. Party Fun. Is all it takes. Fall in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Fall in love with me. Possibilities. all it takes. Oh, to party fun. Mossyman, en mix sur Fun Radio. Sur Fun Radio depuis 23h, Mossyman est en live dans Party Fun. Soirée spéciale aujourd'hui, on se fait kiffer, on prolonge un petit peu les vacances. Mossyman, ouais, Mossyman. Appelle-moi Mossy, tous mes potes m'appellent Mossy. Ok. C'est quoi la suite du son? La suite du son, écoute, j'ai plein de nouveaux trucs à vous proposer, des titres qui sont pas encore sortis, qui sortent du studio, qui sont tout nouveaux. Et c'est le moment de les essayer, ma foi. Parce que t'as quand même des tracks qui vont sortir sur le label de Nicky Romero, sur le label aussi Spinning Record. Absolument. Est-ce qu'on va avoir ça avant minuit? Écoute, pour te dire la vérité, je les ai déjà joués. Ah merde. Je les ai joués déjà à 5 minutes. L'animateur qui est vachement concentré sur l'émission. Non, t'es pas censé savoir, on les a pas encore entendus, t'inquiète, y'a pas de soucis. Je les rejouerai avant la fin, si tu veux. Allez, tu sais quoi, on se fait kiffer. Bon, bah, Mossyman en live jusqu'à minuit, on partit, ça sur Fun Radio, fais-toi kiffer. I'm not sure.

future, booming like that new freaking future, booming like that new freaking future, booming like that new freaking future, booming like that new freaking future. Sometimes it's on mix sur Fun Radio. Party Fun. Give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything. Mix dans Party Fun sur Fun Radio. Party Fun. Party fun. What goes around will come around and come back and get ya. What goes around will come around and come back and get ya, get ya, get ya, get ya. De passer la soirée avec vous sur Fun Radio. Je m'appelle Rémi. Depuis minuit, j'allais dire, mais non, depuis 23h, c'était Moziman qui était au platine de Party Fun Mix de ouf. Je vous rappelle évidemment que toute la soirée de ce soir sera retrouvée en replay dès demain sur l'appli Fun Radio. Yes, merci Quentin, merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. Merci Quentin, pour ce moment, c'était cool. T'es nominé dans la catégorie meilleur DJ EDM, oui. Techhouse Progressive au Best of French DJ Mag. Oui. Tu sais que je reçois des messages, et je te mens pas, tous les week-ends, parce que j'anime une émission de messages, les Daddy Fun, d'une auditrice qui est fan de toi et qui me dit, mais il faut relancer les votes. Et c'est tout faire pour les autres. Voilà, donc votez pour Moziman, catégorie meilleur DJ EDM Techhouse Progressive au Best of French DJ Mag. Je compte sur vous pour voter, ouais. Merci. C'est à ton nouveau single qui sort dans exactement 3 minutes 45. Exactement, et il est encore, tu vois, il est déjà rentré sur Fun et on l'a en fond. Et donc, voilà, c'est pas magnifique. C'est ça qui est cool. Allez le télécharger légalement, évidemment, sur toutes les plateformes. Moziman, merci d'être venu. Merci pour l'accueil, Rémi. Et pour le son, la suite sur Fun Radio, ça continue avec Décideur, le best-of de Bruno dans la radio. Et dans moins de 5 minutes, un mix DJ Mag spécial by Nailek. Let's go. Nouveau son. Nouveau son Fun Radio. Feder. When I'm with you, I lose control. Chris Cross.

spécial DJ Mag sur Fun Radio.